love is colder. I'm so sure you have gone to be free. The love is calling, I'm searching. j'en ai un de même. Là, c'est le SM58. SM58, c'est un nouveau modèle, mais si tu mets, il y a comme le petit chapeau, tu rentres le petit chapeau là-dessus, tu vis ça, mon champion, il y a déjà un coupe mémoire. Ça ne se souvient plus de rien, celle-là. Non, c'est un coupe vent. Pas un manteau, là. Voilà, comme ça, là tu l'as bien vissé. Tu verras, 1-2-1-2, Roger, 1-2-1-2. Là, tu plantes, là. Quand tu vois la lumière rouge, là, c'est que tu plantes. Ben oui, mais qu'est-ce que ça peut intéresser, là, mes auditeurs, mes auditrices, mais c'est quoi Irélien? Ben, c'est de la technique, c'est important, la technique. Mon ancienne blonde me disait ça, mais c'est important, la technique. Puis là, si tu mets un petit capuchon sur le dessus, là, comme ça ici, tu mets le petit capuchon, ça sert à rien, parce qu'il y a déjà à l'intérieur de ton micro un petit capuchon. Fait que tu mets double capuchon, donc le son passe un peu moins fort. Fait que tu l'enlèves. Comme ça, tu peux embrasser le micro. Tout le monde, dans le niveau professionnel, fonctionne avec un SM58. Tous les professionnels. Quand tu vois les spectacles, là, quand le micro a un fil, casse pas ta tête. Casse pas ta tête parce que moi, j'ai essayé, c'est dur. Hein? J'ai frappé 4-5 fois. Point! Point! J'avais pas cassé. Ça fend, mais ça casse pas. Faudrait que j'appelle un médecin pour lui demander comment on fait pour se casser la tête. Là encore, là, ils vont dire hey, on est devant un psychiatrisé. Il faut peut-être l'enfermer pour vérifier sa tension intellectuelle et surtout son niveau. Ça, c'est important, les niveaux. Le niveau. Le niveau de maladie mentale qui doit cacher derrière ses cheveux longs. Oh! Parce que qui dit cheveux longs? Oui. Dit cachotterie. Cachotterie? Comment ça, cachotterie? Ben oui, il masque quelque chose. Et qui? Il masque quelque chose. Il masque quelque chose. Non, pas masse. Masque. Oh. Quand tu masques, masques-tu? Mais oui, moi, je masse masqué parce que moi, regarde-moi la face. Ça attire pas la clientèle, ça. Fait qu'ils m'ont dit, mets-toi un... Comme dans les yeux grands fermés, là. Mets-toi un masque avant de masser. Puis moi, vous savez, ce que je fais, moi, c'est du massage sur les doigts. Je prends mes doigts, sur les doigts, et je masse. Non, pas, je touche même pas au corps, moi. Le corps, je veux rien savoir du corps, moi, c'est les ondes. Moi, tu mets un sac à vidange, là, les ondes vont passer quand même. Mais un corps, bon, c'est plus payant. Je suis demandé à des sacs de vidange s'ils voulaient venir consulter ma main qui extirpe. Et qui inspire et expire de l'onde. Essayez d'inspirer des ondes. Quand vous n'êtes pas devant la radio de CKRL, là, vous dites, oui, non, on est bizarre, ça doit être difficile, là. C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Heureusement, c'est pas normal. Mais ça m'intéresse pas ce qui est normal, moi, là. Moi, je suis pararénal. Rénal, pararénal, c'est moi. Puis là, j'entraînais, là, on glisse là, dans un autre discours. On glisse, on a le droit de glisser, on glisse dans un autre discours intéressant, rigolo. Une autre idée, on tourne la page, OK? Depuis quelque temps, je suis obligé d'entraîner des jeunes. Des calottes à l'envers. C'est quoi une mini? C'est quoi une mini? Mini, c'est une loterie, là. J'étais en bas en train de préparer des choses pour monter en haut. Il me demande ce que c'est. Il me sonne, j'ai dit, c'est un problème, mon petit champion. Sa première emploi. Il y a 17 ans, c'est son premier véritable emploi. Avant ça, il faisait rien. Il étudiait, mais là, comme il y a des petits problèmes de compréhension, tu sais, lui, il sature facilement, là. Tu lui dis salut, comment ça va? Il se met la main sur la tête. Puis, trop d'informations. Ben voyons donc, toi, ça va avec. Comment ça va? Il n'y a pas de. Tu sais, si je te demande, tu veux une poutine? Une poutine, ça, c'est une frite. Parce que, pas une frite, mais plusieurs frites. Ou une grosse patate, une maudite grosse patate avec de la sauce puis du fromage. Mais tu mets ton fromage en dessous puis la sauce sur le dessus pour que le fromage sue sur la frite. Si elle ne sue pas, Ben là, tu demandes, comment ça, t'es pas souffrante, toi, là? T'as pas chaud? Tu fais pas de fièvre? Faut que tu dégoulines sa patate, sinon tu fais pas de poutine. Sinon, ça prouve que... Ah, merci, sinon, une autre fois. Sinon, ça prouve que ta sauce n'est pas assez chaude. Fait que là, t'as fait boire. T'as fait boire, puis là, tu zizines pas, là. C'est pas de la bière, c'est le gros 40 onces de Volga. Tu dis, ah ouais, hey, la sauce, ben, on va parler, puis on va jouer aux cartes, on va te faire boire un peu. Comme ça, tu vas être bien chaud, tu vas tomber sur le fromage, tu vas enrober la frite, tout le monde va être heureux. Puis la grosse majorité des gens qui s'attendent à manger une bonne grosse poutine, tout est gros. La poutine, elle risque d'être heureux, là, ils risquent. S'ils sont pas heureux, ben ils paieront quand même, puis ils s'en iront, puis ils reviendront plus, là. Moi, je fais mon possible. Essaye pas ça sur une sauce brune froide. La sauce brune froide, elle est comme un peu gênée. Oh mon Dieu, je sais pas si je vais couler là-dessus, ce fromage-là, là. C'est-tu propre? C'est-tu frais? Ça sort de... C'est-tu bien préparé? Si je m'en vais là-dessus, est-ce que je vais me souiller? Écoute, si tu vas pas te souiller, moi, te saouler. On va s'amuser. On est ici pour s'amuser. On n'est pas sur Terre pour s'emmerder, on est ici pour s'amuser. Puis là, écoute, je me sens bien, je me rends compte. Quand au moins, je me rends compte, il y en a qui se rendent compte de rien. Moi, je me rends compte de quelque chose. Que si j'arrive pas à faire venir les gens dans mon petit casse-croûte, je vais faire banquise. Je serai ça sur ma banquise comme la... Crée-moi pas, il y a quelque part dans le Québec, un casse-croûte où il n'y a personne en maudit. Ben non, la sauce n'est pas chaude. La sauce est trop froide, le fromage attend et la frite ne peut pas suer. D'ouvrir un casse-croûte quand ta sauce n'est pas chaude, il ne peut pas chauffer. Chaude et chauffée, ouais. Sur le fromage et couler sur la frite et frétiller encore dans la bouche du client. Je sais que c'est juste une histoire, mais je veux m'en faire à croire. Je veux me dire que mon casse-croûte va fonctionner, que ma sauce va chauffer, que mon fromage va couler et ma frite va vivre l'éternité dans la bouche du client. Tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble, tout le monde. Il y en a qui chantent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? On leur dit, vous allez aller en récupération. En pénitence. Mangez pas ma poutine. Ma sauce chaude, là. Rentrez même pas en contact avec elle. Je veux rien savoir. Vous êtes une nuisance publique. Puis là, des nuisances publiques, qu'est-ce que vous savez ce que ça fait, une nuisance publique? Mais ça nuit. Ça nuit à qui? Au public. Quand c'est nuit au public, ben le public aime pas ça. Le public veut de la tranquillité, lui. Le citoyen, il dit, je paye mes impôts. M'envoie travailler. Je paye ma vie à travailler. J'ai plus de maudite scène pour mes vacances. Je me trouve tout seul sur ma galerie à me bercer, puis même pas les moyens de m'acheter un journal. Les internets, même pas d'aide. Même pas. Non, je capte rien. Mon ordinateur, c'est en 1953. Décapotable en plus, c'est décapotable. Quand il pleut, ça tombe, ça souhait. Ah, mon Dieu, les fils sont toutes mouillés. Puis là, t'essaies de le secouer. Puis, hey, reviens à nous. Tu fais du bouche à bouche à ton ordinateur parce que tout est. Le disque dur se ramollit à l'eau. Ta vie est foutue. Tu te demandes pourquoi t'existes encore. Puis là, ta femme a dit je reste encore 2 semaines. Voyons donc. On avait dit qu'on divorçait. Elle dit, il me semble que je t'aime encore. Il me semble. Moi, il me semble que c'est le temps que tu quittes, là. Parce que j'ai fait venir une petite escorte, là. Non, mais la vie est pas quand même tout à fait noire. Hein? Il y a des rayons de soleil. 19 ans à peine. Petite jupe à ras le menton. Ouais, parce qu'elle monte sa jupe, elle est gênée, hein. Elle portait avant le well. Elle était wellée. Puis là, elle s'est descendue le well. Elle se dit, c'est plus la mode, là. C'est le gros well, là. Il n'y a plus personne qui veut. On n'autorise plus dans. Le citoyen moyen ne veut plus voir de well. On veut voir ce qui se passe en dessous du well. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une face de carême? C'est-tu un air bête? C'est-tu air bête Léonard qui chante pour le plaisir? Tu sais pas ce qui se passe derrière en dessous d'un well. C'était épeurant, peut-être, là. Puis tu vas le regretter de demander. Comme t'as marié, là. Tu sais, quand la femme se marie, elle se met le well. Elle se met un well. Quand tu lèves le well, oh mon Dieu! C'est pas la femme que. C'est pas ta blonde que tu maries, c'est la belle-mère. Oh non! Ta vie. T'es foutu de vivre avec elle. Elle te tombe sur le nerf, puis là, elle va, en plus, elle va toucher à ton petit nerf. Hey! De quoi suis sauvé en Suisse? Ouvrir un compte aux États-Unis, puis parler tout seul, jusqu'à la fin de tes jours. Tu te berces, puis je ne suis pas cinglé. Non, mais on a joué de supercherie dans ton dos, toi, là. Cherche qui est autour du way! Quand on te cache quelque chose, là, quand t'achètes un produit, puis c'est, tu peux pas le voir. Tu te fais voir. Parce qu'il faut wear avant de se faire un wear. Tout est dans le wear, Saint-Simonac. Puis pourquoi tout le monde se fait... Hein? On se rend compte que quand tu parles à d'autres, là, ça m'arrive, moi, de parler à d'autres. Rarement, là, mais ça m'arrive. Tu sais, on dialogue. On appelle ça dialoguer. Je dialogue. Hey, j'ai ça, ce mot-là. Mon père, quand tu parlais de ça, il revenait de la baie James. Il venait 2 semaines, bon, même pas 2 semaines, 10 jours à Québec. C'était le moyen de sous la gueule. Puis là, il frappait dans le mur, là. Hey, l'enfant! Ouais, l'enfant! Ça donnait le goût, hein? Oh, le père sous, puis oh, là. Quand mon père partait à Manic, parce que mon père fait LG1, LG2, LG3, Canapisco. Ça, c'est la baie James. Après ça, il a fait le Manic. Il a travaillé partout, et même à Port-Cartier. Il nous a amené à Port-Cartier. De 75 à 77, moi, j'étais à Port-Cartier. Très belle place. J'aimerais revenir, aller voir ce qui se passe. Moi, je restais sur la rue Lebel. 4 rues Lebel. Pour aller à l'école, on devait passer... Vraiment, on marchait 1 000 et demi, 2 000? 1 000 et demi. Pour aller à l'école, juste en après-midi. L'avant-midi, c'était le primaire et... L'après-midi, le secondaire. Mais j'étais pas au secondaire, moi. Là. J'étais où, moi, là? J'étais-tu là? Non, en tout cas. Mais moi, c'était l'après-midi. Et on passait par un cimetière. On prenait le boulevard des Îles. Hein? Pour les gens qui connaissent, c'est Port-Cartier. Pas menteur, boulevard des Îles, Port-Cartier. Hey, wow! Regarde le Google Map. Port-Cartier, hein? Boulevard des Îles. Cimetière. On passait devant le cimetière. Eh, monsieur. Aujourd'hui, c'est rendu une prison, Port-Cartier. Je sais pas si c'est minimum ou maximum. Donne-moi te dire si c'est maximum. Moi, te dis, moi. Moi, je suis pris ici au max. En prison au maximum. Je peux même pas sortir. Ça me rappelle quand ma femme, elle me disait, tu rentres là, tu sors pas. T'es plus capable, moi, là. Pour ça, je l'ai tué. Voyons donc. Là, aujourd'hui, mais je suis pris. J'étais esclave, OK? J'étais emprisonné chez moi. Maintenant, je suis emprisonné en prison. Puis je dis souvent à mon gardien, je dis, hey, toi t'es payé, mais t'es aussi en prison que moi, là. Tu fais ton temps. Travailleur fait son temps aussi, mais peut-être t'es pas en prison, là, tu fais ton temps. Je fais 40 heures, bien écoute, je travaille. C'est ça, tu fais ton temps. T'es libéré à 65 ans, puis bientôt, ça sera peut-être 70 ans. Tu vas te libérer à 75. Hey, je connais une dame 76 ans, puis elle fait encore des. Elle fait de l'entretien ménager. 76 ans. Ma mère, 76 ans, hôpital. Triple démence, Alzheimer. Elle travaille, 76 ans. C'est fou. J'ai dit, comment ça, vous arrêtez pas? Elle dit, oh, peut-être à Noël. Ben voyons donc. Profiter de la vie, ouais, mais je sais pas quoi faire. Hey, Tu sais pas quoi. Tu crois que ta vie, c'est juste du travail. C'est cinglé. Pour dire, comme les jeunes, c'est malade. Faut, hein? Je vais pas lui dire, ben, écoutez, pendant toute votre vie, vous avez mis des bouquins de côté. Peut-être que cette dame-là, c'est même pas lire. Mais y a-tu autre chose que de travailler? Je dis, vous allez prendre des marches? Elle dit, ouais, mais j'ai mal aux jambes. Ben oui, mais vous travaillez, ouais, mais c'est pas la même chose. Hein. J'ai dit, oui, mais... La vie, ça coûte pas très cher. Elle dit, oui, mais je reçois juste ma pension de personne âgée. Mais... Il me semble que... C'est... Peut-être qu'elle a un rythme de vie qui dit qu'elle va pas voir des danseurs. Tu sais, une petite madame 76 ans. Mais je l'adore, cette dame-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe qu'on attend que tu nous présentes l'invité. Oh, OK. On y va. Faites-vous-en pas. Là. Prenez votre temps. Puis en plus, c'est une fille extraordinaire que j'ai eu la chance. Parce que ça passe assez proche que on ne se croise pas. Lazy Ling. Ça me fait penser à une chanson de Lazy, lazy, lazy, lazy, lazy, lazy, Ling. Lazy, lazy, lazy, Ling. Donne-moi ce soir ton mari. Tiens ce soir ton pari. Tiens ce soir ton pari. Monsieur le Président, autorisons-nous, on sait pas, on va réfléchir, pas trop souvent puis pas trop longtemps, parce que la réflexion amène, ben, j'essaie d'amener là, mais la réflexion amène quelque chose, je sais pas quoi, mais quelque chose, tu réfléchis, tu vois plus loin dans tes pensées. Tu creuses. Puis creuser, c'est toujours intéressant. Parce que tu peux trouver la carotte la semaine dernière. Oh! Et moi, j'ai pas regardé votre émission la semaine dernière. Ah ouais? Ça tombe bien parce que c'est pas la télé, c'est la radio. Non, mais moi, je vous regarde à la radio, OK? Ah, oh, mon Dieu, ouais, vous êtes, hein? Oui, je suis. Vous êtes, ils sont heureux. Il était une fois des gens heureux. Avec... Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Rénaldienne en ce beau 29 juillet. Lazy Ling, entre guillemets Isabelle, là, est une chanteuse française, auteure, producteur, compositrice, née à Bourges, mais se réclame originaire de Saint-Giron. Petite ville, pas très loin, là, la petite ville arégeoise, au pied des Pyrénées. Pour ça, ça sent bon. Vous êtes au pied des Pyrénées. Puisque c'est là que se trouvent ses racines familiales depuis des générations, elle va vous raconter ça mieux que moi. Et voici la preuve de ce que je vous avance. Mais là, elle t'avance pas grand-chose, là. Là, en fait, t'as fait l'introduction, t'as introduit. Ben oui, mais il faut introduire. Avant d'amener l'artiste, on introduit. Alors, j'en ai peut-être trop dit. Je me tais. Dans ces villes réputées, sa crème imposée, son soleil c'est pépé. Direction la plage qui sortait à plein nez, côte dégueulasse qui fondait. Salut les lézards, on passe par hasard. digne de mire. Et très bon il pensait, Dieu ne saurait jamais. Déjà au CES, il n'était que tendresse et puis fascination pour un petit ton qui de par ses actions est synonyme de con. Il lui brûlait des caisses de cierge à la messe. Et juste après son bac, il s'inscrit dans une fac où on lui inculqua les principes du droit. Il les assimila, les yeux remplis de joie. Après les cours d'un sac, il sortait un nunchak. Après il s'engagea et devint parent. Enfant de l'Occident, défenseur des chrétiens, qui pour gagner du temps sautait sans son pépin. Une cuillère ramassa et on le réforma. J'ai fait ce que j'ai pu et j'en suis sur le cul. Mon Dieu, à quoi ça sert d'aimer quand ça m'a fait? J'ai fait ce que j'ai pu et j'en suis sur le cul. Mon Dieu, à quoi ça sert? Un beau jour dans un rade et entre deux rasades, revêtu d'un bombeur pour l'amour de son dieu. Quand casse un porc, on l'arrête à radieux. Une belle à la croisade, le juge ira ton âge. Les idées ont reçu, ça j'en suis convaincu. Dit-il à ton amer en pardon pour fleuri. Mon dieu, à quoi ça sert d'aimer dans sa patrie? J'ai fait ce que j'ai pu et il me l'a mis dans le cul. J'ai fait ce que j'ai pu et j'en suis sur le cul. Mon Dieu, à quoi ça sert d'aimer dans sa patrie? J'ai fait ce que j'ai pu et j'en suis sur le cul. Mon Dieu, à quoi ça sert d'aimer dans sa patrie? Mon Dieu, à quoi ça sert d'aimer dans Jean-Marie? Mon Dieu, à quoi ça sert d'aimer dans sa patrie? J'ai fait ce que j'ai pu et il me l'a mis dans le cul. Mon Dieu, à quoi ça sert? À dormir debout, ou le contraire est réciproquement, évidemment, évidemment. Les soirs où tu me mens, cette nuit, les soirs où tu m'ennuies, je te mens, ça fera des souvenirs à venir. Tiens, prends ma part. Puisque je pars incessamment, fatalement. Parce que Louis, oh oui, tu es inconsommable. Louis, tant pis si t'es inconsolable. Car tu t'aigris, les jours où tout est gris, je m'égare. Mais tu vois ton ego, m'est égal. Prends tes mégots et fais-toi la malle incessamment.

ta limité. Dis-moi ce qu'on peut y faire. Rien. Des chasseurs déprimés, mentites. Mais Neil sait plus ce que c'était. Les mercenaires ont pris congé. Avant on se ruait vers l'aurore. Pour quelques dollars et de la poussière. C'est moi l'aventurière. Je suis Lizzie Calamity. Tu sais personne n'est parfait. C'est moi Lizzie Calamity. Tu m'aimes ta calamité. Je sais ce que je peux faire. Et ce que je peux défaire. C'est moi Lizzie Calamity. Je suis un calamité. Dis-moi ce qu'on peut y faire. Qu'il cherche une lance. Et du reste, je m'en balance. Je suis Lizzie Calamity. Tu sais, personne n'est parfait. C'est moi Lizzie Calamity. Tu m'aimes ta calamité. Tu sais ce que je peux faire. Et ce que je peux défaire. C'est moi Lizzie Calamity. Dis-moi ce qu'on peut y faire. Je peux les faire.